pense bien fort à vous. Soigne-toi bien, prends soin de toi et bon courage surtout. Soigne-toi bien, prends soin de toi et pense bien fort à vous. Soigne-toi bien, prends soin de toi et bon courage. À bientôt, revenez vite, faites des bisous aux enfants. Au revoir, cordialement, je t'aime. Bye, raccroche, au revoir, je me tire, gros bisous. Salut, je suis pressé de te revoir, à très vite, fais-y bien. Soigne-toi bien, prends soin de toi, on pense bien fort à vous. Soigne-toi bien, prends soin de toi, et bon courage surtout. On se le dit comme ça, sans conséquence. Si on le dit, c'est qu'on le pense, c'est qu'on y croit. Je souhaite vraiment te revoir rapidement. Je souhaite vraiment te revoir rapidement. Soigne-toi bien, prends soin de toi, on pense bien fort à vous. Soigne-toi bien, prends soin de toi et bon courage surtout. Soigne-toi bien, prends soin de toi et bon courage surtout. Et bon courage surtout.